de pain dans un champ de ruines. On régresse, on régresse. On avait le bonheur avant le rendez-vous, mais depuis, on régresse. Les hommes d'État se chevauchent, on fait peur à l'électeur.